12h30 à l'écoute de CKRL, ici Dominique Lelièvre pour les informations. La Sûreté du Québec redouble de vigilance en cette longue fin de semaine, le week-end de l'Action de grâce qui a déjà été marqué par quelques accidents dans la région de Québec. Un violent accident a coûté la vie hier après-midi. Un enfant de 5 ans dans la région de Charlevoix, un deuxième garçon et la conductrice ont eux également été gravement blessés quand leur véhicule est entré en collision avec un camion citerne sur la route 138 à la hauteur de Petite-Rivière-Saint-François. Les premiers éléments d'enquête laissent entendre que la femme s'est peut-être endormie au volant. Toujours au chapitre de ce bilan sur nos routes, un piéton de 49 ans se trouve entre la vie et la mort après avoir été happé sur le boulevard Valcartier par une voiture dans la nuit de samedi. On dénombre également un accident à Thetford Mines et un autre en Montérégie. Scène internationale, le candidat républicain Donald Trump perd un autre appui important. Le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, affirme ce matin qu'il ne défendra plus Donald Trump d'ici l'élection du 8 novembre. Le candidat mal aimé a perdu au cours des derniers jours plusieurs appuis après la publication vendredi d'une vidéo où il tient des propos crus et misogynes, de quoi donner des munitions à Hillary Clinton hier soir lors du deuxième débat de la campagne électorale. Mais Donald Trump n'a pas mis de temps à répliquer. Il n'a pas hésité à blâmer le mari de Mme Clinton pour ses inconduites sexuelles dans les années 90. La candidate démocrate s'est aussi vue reprocher la suppression de 33 000 courriels confidentiels comme secrétaire d'État. Chez nous, le député fédéral Stephen Blaney est prêt à se lancer dans la course à la direction du Parti conservateur. Selon divers médias, il annoncera le 23 octobre prochain qu'il se porte candidat. Il le fera à l'occasion du brunch annuel de l'Association conservatrice de sa circonscription. L'ancien ministre conservateur deviendrait ainsi le 8e candidat à la succession de Stephen Harper. Près de chez vous, le député Beauceron Maxime Bernier s'est déjà lancé dans cette course et des rumeurs donnent aussi à Gérard Deltel des intentions similaire, mais le député de Louis-Saint-Laurent a toujours nié jusqu'à présent. Enfin, l'ONU veut 120 millions de dollars pour apporter une aide d'urgence aux personnes touchées par l'ouragan Matthew en Haïti. L'appel a été lancé à la communauté internationale ce matin. L'organisation souhaite consacrer près de la moitié de cette enveloppe à l'assistance alimentaire. Elle estime que 750 000 Haïtiens ont besoin d'une aide immédiate. Rappelons que le dernier bilan en Haïti fait état de 1000 morts après le passage de Matthew. La météo est une présentation de Rainfray Volkswagen. Durant le Volksfest, réveillez-vous au volant de la Volkswagen de vos rêves avec le financement à partir de 0% sur 84 mois ou jusqu'à 6 000 $ de rabais. C'est sous le soleil et à des températures très agréables que l'on termine ce long congé de l'Action de grâce. C'est généralement ensoleillé aujourd'hui avec un maximum presque atteint de 12 degrés Celsius. Il fait 11 degrés présentement. Le mercure qui chutera à 1 degré cette nuit. Demain, c'est plein soleil avec 14 degrés et le scénario se répète mercredi avec des températures pouvant atteindre 17 degrés.